Il fallut nous dégourdir les jambes et marcher toute la nuit. Nous arrivâmes à un bourg, le matin sur les 9 heures. On ne nous donna que 3 quarts d'heure pour manger et partir de suite. Il fallut faire 21 lieues le premier jour avec notre pesant fardeau sur le dos. Rien qu'une halte d'une demi-heure. Le lendemain, point de repos, que le temps de manger et de repartir. Nous avions encore 20 lieues au moins à faire pour arriver à Schönbrunn. Après avoir fait 15 à 16 lieues en avant d'un grand village, on nous fit mettre en bataille. Et là, on demanda 25 hommes de bonne volonté pour aller rejoindre l'empereur aux portes de Vienne et monter la garde au château de Schönbrunn. Je le connaissais, j'y avais fait faction bien des fois. Je sortis du rang le premier. « Je pars, dis-je à mon capitaine. »« C'est bien, dit le général d'Orsen, le plus petit montre l'exemple. » On fut au complet de suite et en route. On nous promit une bouteille de vin à 3 lieues de Vienne. Nous y arrivâmes sur les 9 heures du soir, bien fatigués et bien altérés, comptant sur la bouteille promise. Mais point de vin. Il fallut passer tout droit sans s'arrêter. Je me détournais de la route pour trouver de l'eau, pour étancher la soif qui me dévorait. Je longe une rue et je rencontre un paysan qui venait de mon côté. En me voyant, il entre dans une maison d'apparence où se trouvait un factionnaire. Il portait un baquet plein. Je passe mon chemin, mais au détour de la rue, je me blottis le long du mur. Mon paysan revient avec son baquet. Je l'arrête en lui parlant sa langue. Quelle surprise ! Son baquet était plein de vin. Il fut contraint de s'arrêter devant moi, tenant son baquet des deux mains et moi l'arme aux pieds. Je me mets à boire à grands traits. Il recommence une seconde fois. Je puis dire n'avoir jamais bu si avidement. Cela me donna des jambes pour faire mes 3 lieues, et je rejoignis mes camarades le cœur content. Nous arrivâmes au village de Schönbrunn à minuit. Nos officiers eurent l'imprudence de nous laisser reposer à 1 quart d'heure de chemin du château pour prendre les ordres de l'empereur, qui fut surpris d'une pareille nouvelle et furieux. « Comment, vous avez fait faire à mes vieux soldats 40 et des lieues dans 2 jours ?»« Qui vous a donné l'ordre ? Où sont-ils ? Près d'ici. Faites-les venir, que je les voie. » Ils vinrent aussitôt nous faire lever, mais nos jambes étaient raides comme des canons de fusil. Nous ne pouvions plus avancer. Il fallut prendre nos fusils pour nous servir de béquilles pour finir d'arriver. Lorsque l'empereur nous vit courbés sur la crosse de nos fusils, pas un de droit, tous la tête penchée, ce n'était plus un homme, c'était un lion. « Est-il possible de voir mes vieux soldats dans un pareil état ? Si j'en avais besoin, vous êtes des... » Ils furent traités de toutes les manières. Il dit au grenadier à cheval, « Faites de suite du grand feu au milieu de la cour. Allez chercher de la paille pour les coucher. Faites-leur chauffer des chaudières de vin sucré. » De suite, on mit des grandes marmites au feu pour nous faire la soupe. Il fallait voir tous les cavaliers se multiplier et l'empereur faire tout apporter. Dans le bombardement de Vienne, les habitants de la ville avaient sauvé des voitures d'épicerie qui était devant les portes du château. Il s'y trouvait du sucre et des 4 mendiants. Voilà le sucre qui paraît. On en fait mettre dans des bassines de vin chaud. On apporte des tasses de toutes sortes. L'empereur ne quittait pas. Il restait plus d'une heure. Les tasses prêtes, les grenadiers à cheval arrivèrent autour des feux pour nous faire boire. Ne pouvant nous soulever, ils furent obligés de nous tenir la tête pour que nous puissions boire. Les malins grenadiers se moquaient de nous. « Eh bien, les dessous de pieds et les bretelles de vos sacs vous ont anéanti ? Allons, buvez à la santé de l'empereur et de vos bons camarades. Nous passerons la nuit près de vous à vous soigner. Tout à l'heure, nous vous donnerons encore à boire, et vous pourrez dormir. La soupe se fait. Demain, il n'y paraîtra plus. » L'empereur remonta dans son palais. À 5 heures, on nous mit sur notre séant pour nous faire manger la soupe, de la viande, du pain et du bon vin. À 9 heures, l'empereur descendit pour nous voir. Il dit aux officiers de nous faire lever. Mais il fallait 2 hommes pour nous promener, les jambes étaient raides. L'empereur tapait des pieds de colère, les grenadiers se moquaient de nous, et nos officiers n'osaient se faire voir, par crainte d'être mal reçus. Le soir, on nous donna des logements dans ce beau village très riche. Toute la garde arriva et fut bien logée. Le bombardement de Vienne avait cessé. Nos troupes avaient pris la capitale, les armées d'Autriche avaient fait sauter les ponts, après avoir passé de l'autre côté du Danube. On prit toutes les mesures pour recommencer. Il fallait aller les trouver et se faire un passage sur ce terrible fleuve qui avait augmenté et était d'une force effrayante. L'eau était à plein bord. On eut de la peine à maintenir les grosses barques avec des ancres. Il fallait des bateaux assez forts pour établir un pont d'une longueur démesurée, avec un courant si rapide. Tous ces préparatifs demandèrent du temps. L'empereur fit descendre ses grandes barques à 3 lieues, dit-on, au-dessous de Vienne, en face de l'île Lobo et la plaine de Delsling. Les deux ponts établis, l'empereur fit descendre le corps du maréchal Lannes pour attendre les ordres de passage. Il mit dans Vienne 100 000 hommes pour maintenir la capitale, s'emparer de tous les édifices de manière que personne ne pouvait faire aucun signe au prince Charles de l'autre côté. On faisait des patrouilles considérables dans les rues. Tout le peuple était renfermé. Puis on fit des démonstrations de passage en face de Vienne pour maintenir l'armée du prince Charles en face de sa capitale et les empêcher de descendre du côté d'Essling. Lorsque tout fut prêt, l'empereur fit faire les promotions dans la garde. Je fus nommé sergent le 18 mai 1809 à Schönbrunn. Ce fut une joie que je ne puis exprimer de me voir sous-officier, rang de lieutenant dans la ligne, avec droit, arrivé à Paris, de porter l'épée et la canne. Je restais dans ma même compagnie, mais je n'avais point de galon de sergent. Il fallut rendre mes galons de caporal à mon remplaçant, et me voilà simple soldat, mais patience, il s'en trouvera. L'empereur donna l'ordre au maréchal Lannes de faire passer le grand pont du Danube à son corps d'armée et de se porter en avant de l'autre côté d'Essling. Les fusiliers de la garde, le maréchal Bessières et un parc d'artillerie étaient en position dès le matin. Les Autrichiens ne s'en aperçurent que lorsque notre intrépide Lannes leur souhaita le bonjour à coups de canon, leur faisant tourner le dos à leur capitale pour venir au-devant de notre armée qui avait passé sans leur permission. Toute l'armée du prince Charles arriva en ligne sur la nôtre, et le feu commença de part et d'autre. Plus de 100 000 hommes arrivèrent sur le corps du maréchal Lannes. La foudre tombait sur nos troupes, mais il se maintint jusqu'à la dernière extrémité. L'empereur nous fit partir dès le matin de Schönbrunn pour le Danube. Toute l'infanterie de la garde et lui à la tête. À 11 heures, il donnait l'ordre de passer et de mettre nos bonnets à poil. Comme s'appressait en passant sur 3 rangs le grand pont, nous nous défaisions nos bonnets, les uns les autres, en marchant. Cette opération fut faite dans la traversée du pont, et tous nos chapeaux furent jetés dans le Danube. Nous n'en avons jamais porté depuis. Ce fut la fin des chapeaux pour la garde. Nous traversâmes la pointe de l'île et trouvâmes un second pont que nous passâmes au galop. Les chasseurs à pied passèrent les premiers, débouchèrent dans la plaine et firent un à gauche en colonne au lieu de un à droite. La fausse manœuvre ne put se réparer. Il fallut se mettre de suite en bataille, notre droite près du bras du Danube. Aussitôt en bataille, il arrive un boulet qui vient frapper la cuisse du cheval de l'empereur. Tout le monde crie « À bas les armes, si l'empereur ne se retire pas sur le champ !» Il fut contraint de repasser le petit pont et se fit établir une échelle en corde attachée en haut d'un sapin. De là, il voyait tous les mouvements de l'ennemi et les nôtres. Un second boulet frappa le sergent tambour. Un de mes camarades fut de suite lui ôter ses galons et ses épaulettes et me les apporta. Je le remerciai en lui donnant une poignée de main. Ce n'était que le prélude. L'ennemi plaça devant nous 50 canons sur la gauche des slings. L'envie me prend de faire mes besoins, mais défense d'aller en arrière. Il fallait se porter en avant de la ligne de bataille. Arrivé à la distance voulue pour les bienséances, je pose mon fusil par terre et me mets en fonction, tournant le derrière à l'ennemi. Voilà un boulet qui fait ricochet et m'envoie beaucoup de terre sur le dos. Je fus accablé par ce coup terrible. Heureusement, j'avais gardé sac au dos, ce qui me préserva. Je ramasse mon fusil d'une main, ma culotte de l'autre, et reviens, les reins meurtris, rejoindre mon poste. Mon commandant, me voyant dans cet état, arrive au galop près de moi. « Eh bien, me dit-il, êtes-vous blessé ?»« Ce n'est rien, commandant. Ils voulaient me nettoyer le derrière, mais ils n'ont pas réussi. Allons, buvez un coup de rhum pour vous remettre. » Il me présente une bouteille d'osier qu'il prend dans ses fontes de pistolet et me la présente. « Après vous, s'il vous plaît. Buvez un bon coup, vous reviendrez bien seul. »« Oui, lui dis-je. » Il part au galop, et j'arrive à mon poste, mon fusil d'une main, ma culotte de l'autre en serre-fil. C'était mon poste. Là, je me rétablis. « Eh bien, me dit le capitaine Renard, vous l'avez échappé belle. »« C'est vrai, capitaine. Leur papier est bien dur. Je n'ai pu m'en servir. Ce sont des buteurs. » Et voilà des poignées de main qui m'arrivent de tous mes chefs et camarades. Les 50 pièces de canon des Autrichiens tenaient sur nous, sans que nous puissions faire un pas en avant, ni tirer un seul coup de fusil. Qu'on se figure les angoisses que chacun endurait dans une pareille position. On ne pourra jamais le dépeindre. Nous avions 4 pièces de canon devant nous, et 2 devant les chasseurs pour répondre à 50. Les boulets tombaient dans nos rangs et enlevaient des fils de 3 hommes à la fois. Les obus faisaient sauter les bonnets à poil à 20 pieds de haut. Sitôt une file emportée, je disais « Appuyez à droite, serrez les rangs !» et ces braves grenadiers appuyaient sans sourciller et disaient en voyant mettre le feu « C'est pour moi. Eh bien, je reste derrière vous. C'est la bonne place. Soyez tranquille. » Il arrive un boulet qui emporte la file et les renverse tous les trois sur moi. Je tombe à la renverse. « Ce n'est rien, leur dis-je. Appuyez de suite. Mais, sergent, votre sable n'a plus de poignée. Votre giberne est à moitié emportée. » Tout cela n'est rien. La journée n'est pas finie. Nos deux pièces n'avaient plus de canonniers pour les servir. Le général d'Orsen les remplaça par 12 grenadiers et leur donna la croix. Mais tous ces braves périrent près de leurs pièces. Plus de chevaux, plus de soldats du train, plus de roues. Les affûts en morceaux, les pièces par terre comme des bûches. Impossible de s'en servir. Il arrive un obus qui éclate près de notre bon général et le couvre de terre. Il se relève comme un beau guerrier. « Votre général n'a point de mal, dit-il. Comptez sur lui, il saura mourir à son poste. » Il n'avait plus de chevaux. Deux avaient péri sous lui. À de tels hommes que la patrie soit reconnaissante. Et la foudre tombait toujours. Un boulet emporte une file près de moi. Je suis frappé au bras. Mon fusil tombe. Je crois mon bras emporté. Je ne le sens plus. Je regarde. Je vois attaché à ma saignée un morceau de chair. Je crois que j'ai le bras fracassé. Pas du tout. C'était un morceau d'un de mes braves camarades qui était venu me frapper avec tant de violence qu'il s'était collé à mon bras. Le lieutenant arrive près de moi, me prend le bras, me le remue et le morceau de viande tombe. Je vois le drap de mon habit. Il me secoue et dit « Il n'est qu'engourdi ». On ne peut se figurer ma joie de remuer les doigts. Le commandant me dit « Laissez votre fusil, prenez votre sabre. Je n'en ai plus, le boulet qui m'a renversé a emporté la poignée. » Je prends mon fusil de la main gauche. Les pertes devenaient considérables. Il fallut mettre la garde sur un rang pour faire voir à l'ennemi la même ligne sur le terrain. Sitôt cette opération faite, il arrive sur notre gauche un brancard porté par des grenadiers qui déposèrent au centre de la garde leur précieux fardeau. L'empereur, du haut de son sapin, avait reconnu son favori. Il avait quitté son poste d'observation et était accouru pour recevoir les dernières paroles du maréchal Lannes, frappé à la tête de son corps d'armée. L'empereur mit un genou à terre pour le prendre dans ses bras et le fit transporter dans l'île, mais il ne put supporter l'amputation. Là finit la carrière de ce grand général. Tout le monde fut dans la consternation d'une pareille perte. Il restait de notre côté le maréchal Bessières, qui était comme les autres démonté. Il parut devant nous. La canonnade continuait. Un de nos officiers est frappé par un boulet qui lui emporte la jambe. Le général donne la permission à deux grenadiers de le porter dans l'île. Ils le mettent sur deux fusils. Ils n'avaient pas fait 400 pas qu'un boulet les tue tous les trois. Mais voilà un plus grand malheur qui nous arrive. Le corps du maréchal Lannes battait en retraite. Une partie vint se jeter sur nous, tous épouvantés et couvrant notre ligne de bataille. Comme nous étions sur un rang, nos grenadiers les prenaient par le collet et les mettaient derrière eux en disant « Vous n'aurez plus peur ». Heureusement, ils avaient tous leurs armes et des cartouches. Le village d'Essling était en notre pouvoir quoique pris, repris et incendié. Les braves fusillés en restèrent les maîtres toute la journée. Le calme étant un peu rétabli chez les soldats qui étaient derrière notre rang, le maréchal Bessières vint les prendre et les rassurant leur dit « Je vais vous mener en tirailleur et je serai comme vous, à pied. » Tous ces soldats partent avec ce bon général. Il les fait mettre sur un rang, à portée de fusil des 50 pièces qui faisaient feu sur nous depuis 11 heures du matin. Voilà une ligne de tirailleurs qui protégeait le feu de file commencé sur l'artillerie autrichienne. Le brave maréchal, les mains derrière le dos, n'arrêtant pas d'un bout à l'autre, fit taire pour un moment leur furie contre nous. Cela nous donne un peu de répit. Mais le temps est bien long quand on attend la mort sans pouvoir se défendre. Les heures sont des siècles. Après avoir perdu un quart de nos vieux soldats, sans avoir brûlé une amorce, je ne fus plus en peine d'avoir des galons et des épaulettes de sergent. Mes grenadiers m'en donnèrent plein mes poches. Cette cruelle journée vit des pertes considérables. Le brave maréchal resta derrière ses tirailleurs, plus de 4 heures. Le champ de bataille ne fut ni perdu ni gagné. Nous ne savions pas que les ponts sur le grand fleuve étaient emportés et que notre armée passait le Danube à Vienne. À 9 heures, le feu cessa. L'ordre de l'empereur fut de faire chacun son feu pour faire croire à l'ennemi que toute notre armée était passée. Le prince Charles ne savait pas notre pont emporté, car il nous aurait tous pris à son premier effort et n'aurait pas demandé une trêve de 3 mois qui lui fut accordée de suite, car nous étions, on peut le dire, dans une cage. Il pouvait nous bombarder de tous les côtés. tous nos feux bien allumés, nous eûmes l'ordre de repasser dans l'île sur notre petit pont et d'abandonner nos feux. Nous passâmes la nuit à nous placer dans des endroits sans feu pour attendre le jour. Le matin, de grosses pièces passèrent devant nous et furent braquées à la tête de notre petit pont. Quelle fut notre surprise de ne plus voir le grand pont que nous avions passé la veille. Tout était parti comme nos chapeaux que nous avions jetés dans le Danube. Sur le fleuve, en face de Vienne, on avait lâché les moulins qui sont sur bateau et ôté les roues qui les faisaient marcher. On les avait chargés de pierres et ces masses lancées par le fleuve emportèrent le grand pont. Le grand sacrifice de leurs moulins nous bloqua 3 jours dans l'île, sans pain. Nous mangeâmes tous les chevaux qui avaient échappé à la mort. Il n'en resta pas un. Les prisonniers faits le matin eurent pour leur part les têtes et les boyaux. Il ne restait plus à nos chefs que la bride et la selle. On ne peut se figurer une pareille disette, et nous entendions des cris déchirants près de nous. C'était Monsieur Larrey qui faisait ses amputations. C'était affreux à entendre. L'empereur fit sommer la ville de Vienne de réunir tous ses bateaux et de les redescendre pour faire le pont. Le 4e jour, nous fûmes délivrés. Nous repassâmes ce terrible fleuve avec joie et avec des figures bien pâles. Les vivres nous attendaient à Schönbrunn, où nous arrivâmes le soir. Tout était prêt pour nous recevoir et nos billets de logement préparés. Nous eûmes le temps de nous rétablir pendant 3 mois de trêve. Puis les travaux commencèrent dans l'île Lobo. 100 000 hommes se mirent à faire des redoutes, des chemins couverts. On ne peut se faire une idée de la terre remuée pendant ces 3 mois. Les Autrichiens en firent de bien plus considérables encore en face de nous. L'empereur partait de son palais à cheval avec son escorte. Il arrivait dans l'île Lobo et montait au haut de son sapin. De là, il voyait tous leurs travaux et faisait exécuter les siens. Il revenait satisfait et joyeux. Ça se voyait à son arrivée. Il parlait à tous ses vieux soldats en se promenant dans la cour, les mains derrière le dos. Il recompléta sa garde, et comme il avait fait venir des acteurs de Paris, il donna la comédie dans le château. Les belles dames de Vienne furent invitées avec 50 sous-officiers. C'était un coup d'œil magnifique, mais c'était trop petit pour tant de monde. Pendant ces 3 mois, mon bras était remis de son engourdissement. Je me mis à écrire sans relâche. Je fis des progrès. Mes maîtres étaient contents de moi. Personne de la garde ne mit le pied dans Vienne, pas même l'empereur. Mais il faisait de fréquentes visites à l'île Lobo pour voir les grands préparatifs. Il faisait faire la manœuvre à toute son armée pour la tenir prête à rentrer en campagne. Lorsque tout fut prêt, il fit voir un échantillon de son armée aux amateurs de Vienne, dans une revue de 100 000 hommes sur les hauteurs à gauche de la ville. Là, il fit venir notre colonel Frédéric et le reçut général en lui disant « Je te ferai gagner tes épaulettes ». Tous les corps reçurent l'ordre du départ pour se rendre le 5 juillet dans l'île Lobo. Le bonheur voulut que le prince Eugène, avec l'armée d'Italie, arriva pour le passage du Danube le 6 juillet à 10h du matin. Tout fut réuni dans la même plaine. L'empereur avait fait faire des radeaux qui pouvaient contenir 200 hommes, pour prendre une île occupée par les Autrichiens, qui gênait son mouvement. Il ne pouvait passer sans être vu de l'armée autrichienne. Tous les préparatifs étaient prêts. Les voltigeurs et les grenadiers sur leur radeau, avec le général Frédéric, on les lâcha à minuit sonné pour être dans son droit, la trêve finissant le 6 juillet. Voilà la pluie qui tombe par torrent. Les soldats autrichiens vont se mettre dans leur abri. Nos radeaux arrivent en travers de l'île sur le sable. N'ayant d'eau qu'au mollet, on l'a pris sans brûler une amorce. Tous les Autrichiens furent faits prisonniers, et alors l'ennemi ne put voir notre mouvement. 2000 sapeurs furent chargés de faire avec le génie un chemin pour faire passer les pontons et l'artillerie. Les arbres qui gênaient le passage fondaient sous la hache et la scie. Au jour, nous étions à 3 lieues au-dessous des travaux de l'ennemi et des nôtres, sans que l'ennemi s'en doutât. Dans un quart d'heure, 3 ponts étaient établis, et à 10h du matin, 100 000 hommes avaient passé dans la plaine de Wagram. À midi, toute notre armée était en ligne avec 700 pièces de canon en batterie. Les Autrichiens en avaient autant. On ne s'entendait pas. C'était drôle de nous voir faire face à Vienne, et les Autrichiens tournaient le dos à leur capitale. On peut dire à leur louange qu'ils se battirent en déterminés. On vint dire à l'empereur qu'il fallait remplacer la grande batterie de sa garde, que les canonniers étaient détruits. « Comment, dit-il, si je faisais relever l'artillerie de ma garde, l'ennemi s'en apercevrait et redoublerait d'efforts pour percer mon centre. » De suite des grenadiers de bonne volonté pour servir les pièces. 20 hommes par compagnie partirent aussitôt. On fut obligé de faire le compte. Tous voulaient y aller. On ne voulut pas de sous-officiers, rien que des grenadiers et des caporaux. Les voilà partis au pas de course pour servir la batterie de 50 pièces. Sitôt arrivés à leur poste, les coups de canon se firent entendre. L'empereur prit sa prise de tabac et se promena devant nous. Pendant ce temps, le maréchal Davoust s'empare des hauteurs et rabattait l'ennemi sur nous, enfilant sur le grand plateau, pour leur couper la route d'Olmutz. L'empereur, voyant le maréchal lui faire face, n'hésita pas à faire partir tous les cuirassiers en une seule masse pour enfoncer leur centre. Cette masse s'ébranle, passe devant nous. La terre tremblait sous nos pieds. Ils ramenèrent 50 pièces de canon, toutes attelées, et des prisonniers. Le prince de Beauharnais va au galop vers l'empereur, lui apprendre que la victoire est certaine. Il embrasse son fils. Le soir, 4 grenadiers rapportaient le colonel qui commandait la batterie de 50 pièces où l'empereur avait envoyé ses grognards. Ce brave était blessé depuis 11 heures. On l'avait fait porter en arrière de sa batterie. « Non, dit-il, reportez-moi à mon poste, c'est ma place. » Et sur son séant, il commandait. La garde fut formée en carré, et l'empereur coucha au milieu. Il fit ramasser tous les blessés et les fit conduire à Vienne. Le lendemain, nous trouvions des 30 boulets à la suite dans le même endroit. On ne peut se faire l'idée de cette bataille. Le 23, toutes les colonnes partirent de grand matin. Les Autrichiens étaient partis avec des pertes considérables. Ils furent obligés de venir demander la paix sur les hauteurs d'Olmutz, où l'empereur avait fait dresser sa belle tente. Le feu cessa de part et d'autre. Nous partîmes pour Schönbrunn, et là on traita de la paix. Les armées restèrent en présence pendant que l'empereur réglait ses affaires.